As long as you don't try to riff, we'll be fine. As long as you don't try to riff, we'll be fine. J'ai pas le temps pour vos bêtises, y'a méprise. Je taffe plus que si je préparais une maîtrise. Si tu me croyais dans le showbiz, je croyais qu'y a pas photo dans l'ombre. Depuis mon premier coup de couteau, je vais dans le hardcore qui tape, pas dans le nièvre. Je mets la fièvre à ceux qui ont toujours gagné la fève. Ouais, je te parle d'inégalité, sans me plaindre, sans faire de généralité. Peindre le décor tel qu'il est dans ma clique. On n'est pas né avec une cuillère, en or dans la bouche du mauvais côté de la meurtrière. Pas aigri pour autant, on a toujours le sourire. Quand t'apprenais à marcher, on savait déjà courir. En fait, c'est notre force, on a deux fois plus la dalle. Deux fois plus la rage, on marque si tu nous passes la balle. Parce qu'on n'a pas le choix, pas le temps. Pour vous voyez, dans un monde de requins, on nous a dit, toi tu vas te noyer. La part d'un titi, moins le quénois que groseille. Tu me guettes comme un graffiti, un spiff de zeb sur l'oreille. On n'a pas le temps de faire les beaux, on est en train de chicane. Vos enroules de snob nous font ricane. La part d'un titi, moins le quénois que groseille. Tu me guettes comme un graffiti, un spliff de zeb sur l'oreille. On n'a pas le temps de faire les beaux, on est en train de chicane. Vos enroules de snob nous font ricane. On a muté en piranha, en clic on est plus fort. Ouvre-nous les scènes de France, on met le public d'accord. Passe-moi le micro que je balaye, c'est plouc comme des feuilles mortes. Arrivé jusqu'ici en mettant le pied dans la porte. Avec des placements de fou que personne fait. Dispersion de poule, c'est tout ce que ton flow fait. Fais un effort, c'est du nouage ou de l'hébreu. T'es une star ou tu mets la charrue avant les bœufs. Faut que tu m'expliques, elle les potes internet, j'ai la recette. Pour faire des millions de vues, tu mets ton slip sur ta tête. Allez pardon, vous m'excuserez mais j'ai d'autres ambitions. J'ai des valeurs à défendre pour le hip-hop, j'suis en mission. J'aime les artistes, pas les opportunistes en toc. Tu veux faire du fric, va vendre du shit en fait. C'est comme dans le cinéma, y'a les Scorsese et les blockbusters. Y'a pas de débat, y'a les rappeurs et les imposteurs. Il va falloir faire le gendarme, hein. T'as autre chose à foutre? Hey, n'a pas l'eau, je te parle. La part d'un titi, moins le quénois que groseille. Tu me guettes comme un graffiti, un spliff de zeb sur l'oreille. On n'a pas le temps de faire les beaux, on est en train de chicane. Vos enroules de snob nous font ricane. La part d'un titi, moins le quénois que groseille. Tu me guettes comme un graffiti, un spliff de zeb sur l'oreille. On n'a pas le temps de faire les beaux, on est en train de chicane. Vos enroules de snob nous font ricane. Rose Castel, Akuma, yeah. Dédicace, Joker, yeah. Dédicace, Holder, dédicace.